On va parler des aigles de Robert Val avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, ça fait évidemment, on va parler de la semaine des aigles. Donc, comment ça s'est passé? La semaine dernière, là, on avait toutes nos équipes étaient en action. Notre Benjamin là, qui était en action vendredi soir dernier là, contre les Mustangs de l'Odyssée Dominique Racine à Chicoutimi. On subit un revers là, de 9 à 2. Et puis, jouait là, tout de suite le dimanche. Avec une journée de congé, jouait le dimanche contre le Séminaire Saint-François. Une victoire de 3-1, première victoire de la saison. Là, les jeunes ont travaillé extrêmement fort. Vraiment, là, on n'a pas donné beaucoup de chance à l'adversaire. Et puis, les chances de qualité, là, quand je parle. Donc, vraiment, là, tout le monde a contribué. Là, côté défensif, côté offensif, là, vraiment, là, on est très, très fiers d'eux autres. Dans cette victoire-là, ils étaient très heureux. Ça a vraiment été un beau moment. Et puis, au niveau du cadet, là, on avait un match contre l'école secondaire de la Seigneurie. On avait annulé plus tôt dans la saison. C'était un match de tête, là. Il occupait le premier rang au classement général de notre division. Puis on a frappé rapidement. On a gagné le match 5 à 3. Dans les catégories juvéniles, on jouait contre le Séminaire Saint-François en fin de semaine dernière. On tirait derrière 4 à 1. On sortit extrêmement fort le Séminaire Saint-François, et puis on s'est accroché, on est revenu, et puis on a réussi à remporter le match 5 à 4 là, à la fin. Là, on a égalisé la marque, il restait 1 minute 30, puis on a marqué pour la victoire à 40 secondes de la fin. Là. Donc, très, très beau travail là, au niveau mental pour revenir dans ce match-là. Ensuite. Ensuite, ben, c'est ce qui complétait là, notre semaine la semaine dernière. On est en préparation avec nos Benjamins pour le challenge à Gatineau. Je te parle directement de Gatineau. On est parti tôt ce Ouais, c'est matin. vrai. On est parti à 7 h ce matin là, de Roberval. Il faisait quand même assez mauvais sur les routes. Plus on s'en venait, plus c'était correct. Et plus on joue ce soir, là, un jeudi soir contre le Collège Bourget à 20 h 15 là, à l'Aréna Pierre-Lafontaine. Et puis demain matin, 9 h 45, contre l'école secondaire Chênebleu. Et puis là, après le deuxième match, on ne sait pas contre qui qu'on va jouer, mais ça va être un match là, un petit peu plus tard en soirée, 6 h ou 20 h, là, qui va décider un petit peu de notre sort à ce moment-là. Puis c'est relâche, là, c'est relâche pour le cadet, puis je vais venir en fin de semaine. Là, on est concentré sur notre Benjamin ce week-end. Donc, évidemment, et on rappelle que vous-même, vous allez, c'est bientôt, vous allez être vous allez en accueillir un, le challenge, là. Oui, ça arrive très vite, je te dirais. Là, je regarde le calendrier, puis il ne reste pas beaucoup de semaines. On est en pleine préparation par rapport à ça. Et puis, on va faire la visite des locaux là, la semaine prochaine. Et puis, c'est sûr que en fin de semaine, là, moi, je me sers de cette venue-là au challenge pour encourager un petit peu les membres là, du RSEQ. Ils vont nous remettre là, les affiches. On va se rencontrer un petit peu pour l'accueil et tout ça. Là, puis, on va se faire un petit meeting. Puis, moi, je vais repartir avec ça. On va se refaire un meeting, nous, à l'interne, pour préparer tout ça. Là. Ah, ok, donc on va suivre ça de près. Ça fait le tour pour cette semaine, Simon? Oui, merci beaucoup, Danny. Celui qui s'occupe des aigles de Roberval, Simon Gaudreau.